Chapitre 2. Il ne s'éveilla qu'au milieu de la nuit. Tout était tranquille. On entendait la respiration des malades couchés dans la pièce à côté. À quelque distance, un fou enfermé dans la chambre noire causait avec lui-même d'une voix singulière et monotone. Au-dessus, à l'étage des femmes, un contralto enroué chantait une chanson bizarre. L'homme écoutait tous ces sons. Il éprouvait une faiblesse extrême et était comme moulu de tout le corps. Son cou lui faisait grand mal. « Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? » se demanda-t-il. Et soudain il se rappela avec une netteté extraordinaire tout ce qui lui était arrivé depuis un mois. Il comprit qu'il était malade et quelle était sa maladie. Tout ce qu'il avait fait, dit et pensé pendant ce mois revint à sa mémoire et il en eut des frémissements qui agitèrent tout son corps. « Dieu merci, c'est fini » murmura-t-il et il se rendormit. La fenêtre de sa chambre était ouverte. Elle était garnie de barreaux de fer et donnait sur un étroit passage séparant les bâtiments du mur d'enceinte. Personne ne passait jamais là, et le passage s'était rempli d'une épaisse végétation de broussailles et d'arbustes que dominait la haute muraille sombre de l'enceinte. Au-dessus de la muraille, les arbres du jardin baignaient leurs cimes dans la brillante lumière de la lune dont les rayons venaient tomber jusqu'au fond de la chambre, éclairant une partie du lit et le visage pâle du malade. En ce moment, il n'avait rien du faux. C'était le lourd sommeil de l'homme harassé de fatigue, le sommeil sans rêve, sans un mouvement, et avec une respiration presque insensible. Le lendemain, comme il venait d'ouvrir les yeux, le médecin entra. « Comment vous trouvez-vous ? » « Parfaitement bien, » répondit l'homme en sautant à bas de son lit et en prenant sa robe de chambre. « Admirablement. Il n'y a que ça, » il indiquait sa nuque. « Le cou me fait si mal que je ne peux pas le remuer. Mais ce n'est rien. Pourvu qu'on comprenne, tout va bien. Et je comprends. »« Vous savez où vous êtes ? » ?»« Certainement, docteur. Je suis dans une maison de fous. Mais si on comprend, ça ne fait rien du tout. C'est absolument indifférent. » Le médecin le regardait fixement. Sa figure à la barbe bien peignée restait immobile et impénétrable. Ses yeux bleus regardaient tranquillement à travers ses lunettes d'or. Il observait. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Reprit l'homme. Vous ne verrez pas ce que j'ai dans l'esprit, et moi je lis clairement dans le vôtre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pourquoi enfermez-vous ici cette foule de malheureux ? À quoi sert de les tourmenter ainsi ? Quand l'homme est parvenu au point où l'âme est remplie par une grande idée, une idée générale, peu lui importe où il vit et ce qu'il éprouve. Peu lui importe même de vivre ou non. N'est-ce pas vrai ? Peut-être, répondit le médecin, en s'asseyant dans un coin de la chambre, de façon à examiner le malade qui allait et venait de long en large, à pas précipités, faisant claquer ses grandes pantoufles de cuir et voltiger les pans de sa robe de chambre à raies rouges et à bouquets de fleurs. L'aide-chirurgien et le surveillant qui accompagnait le docteur se tenaient debout à la porte. Et je tiens l'idée, cria le fou. Et quand je l'ai découverte, je me suis senti renaître. Les sensations sont devenues plus vives. Mon cerveau travaille comme il n'avait jamais fait. Ce que je n'atteignais autrefois que par la longue route du syllogisme et de l'hypothèse, je le sais maintenant par l'instinct. J'ai complété ce que la philosophie n'avait fait qu'élaborer. Je sens et j'éprouve que le temps et l'espace ne sont que des fictions. Je vis dans tous les siècles. Je vis en dehors de l'espace, partout ou nulle part, comme il vous plaira. C'est pour cela qu'il m'est absolument indifférent que vous me teniez renfermé ici ou que vous me lâchiez. J'ai remarqué que plusieurs des personnes qui sont ici sont dans mon cas. Mais pour les autres, c'est une situation affreuse. Pourquoi ne les lâchez-vous pas ? À quoi sert ? Vous avez dit, interrompit le docteur en tirant sa montre, que vous viviez en dehors du temps et de l'espace. « Pourtant, comment nier qu'il est 10h30 et que nous sommes le 6 mai 1800 »« Qu'est-ce que cela fait ? puisque tout m'est égal, est-ce que ça ne veut pas dire que moi, je suis partout et toujours ?»« Logique bizarre, » dit le docteur en se levant. « Mais vous avez peut-être raison. Au revoir. Voulez-vous un cigare ?»« Je veux bien et vous remercie. » Il s'arrêta, prit le cigare et en coupa le bout avec les dents d'un mouvement nerveux. « Cela aide à penser, » reprit-il. « Bonsoir, docteur. » Le médecin continua sa ronde. Demeuré seul, l'homme continua à marcher par saccades d'un angle de la chambre à l'autre. On lui apporta du thé. Il vida le grand gobelet en deux traits, sans s'asseoir, et avala presque d'une bouchée le gros morceau de pain blanc. Il sortit ensuite de sa chambre, et pendant plusieurs heures, sans jamais s'arrêter, il fit la navette de son pas rapide et lourd entre les deux extrémités de l'édifice. Le temps était pluvieux, et on ne laissait pas les malades sortir dans le jardin. Quand l'aide-chirurgien vint chercher le nouvel arrivé, on le lui montra au bout du corridor. Il était immobile, le visage collé aux vitres de la porte et regardant fixement dans le parterre. Son attention avait été attirée par une fleur d'un rouge éclatant, de l'espèce des pavots. « Venez vous peser, » dit l'aide-chirurgien en lui touchant l'épaule. L'homme se retourna et l'autre faillit reculer de frayeur, tant il y avait de méchanceté sauvage et de haine dans les yeux étincelants du fou. Toutefois, l'expression de son visage changea instantanément en voyant l'aide-chirurgien. Il le suivit docilement, sans dire un mot, et comme absorbé dans de profondes pensées. Ils entrèrent dans le cabinet du médecin. Le fou mit lui-même les poids sur le plateau. L'aide-chirurgien inscrivit sur le registre en face de son nom 109 livres. Le lendemain, le malade ne pesait plus que 107 livres. Le surlendemain, 106. « Si cela continue ainsi, il ne vivra pas, » dit le docteur. Il ordonna de le nourrir le mieux possible. Néanmoins, et malgré l'appétit extraordinaire du fou, celui-ci maigrissait à vue d'œil. On le pesait tous les jours, et chaque fois le nombre de livres inscrits par l'aide-chirurgien avait diminué. L'homme ne dormait presque pas et était toute la journée en mouvement.